pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. La première. Il est 16h. Votre journal, Nicolas Lehmann, bonjour. Bonjour à tous. Le gouvernement fédéral est antisocial et n'écoute pas assez les travailleurs. Entre 45 et 70 000 personnes, selon les sources, ont manifesté cet après-midi à Bruxelles. Manifestation pour dénoncer donc la politique de l'équipe Michel installée depuis 2 ans maintenant. Saut d'index, flexibilité du temps de travail, les griefs ne manquaient pas chez les militants. Nous sommes là en tout cas pour bien montrer notre mécontentement sur les mesures actuelles et les mesures futures de notre valeureux gouvernement. Ce gouvernement qui finalement ne tient aucun compte des gens qui sont un peu dans la précarité, dans la même les salaires moyens, etc., sont pris en étau dans ce gouvernement. Et il est temps de réagir, il est temps de montrer qu'on n'est pas d'accord. Et je pense que le 7 octobre, même s'il n'y a pas une grève générale qui est faite, en tout cas, il y aura des actions qui seront menées. On ne les laissera pas tranquilles, on ne les lâchera pas en tout cas. Ce qui nous inquiète le plus, ce sont les lois Peters au niveau de la flexibilité du travail, surtout pour les temps partiels également. Comment pouvoir concilier une vie privée et une vie professionnelle? Ça va être très difficile pour les travailleurs à l'heure actuelle, surtout pour les mères de famille, puisque les emplois sont de plus en plus des emplois à temps partiel, je vais dire. Maintenant, effectivement, la loi Peters, ça va être corvéable et malléable à merci. Le seul problème, c'est que je pense que le gouvernement Michel n'a pas en face de lui une riposte citoyenne ou syndicale qui est suffisamment forte par rapport à ça. Personnellement, les manifestations, pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller cibler toutes les entreprises au niveau de la FEB, là où ça peut faire mal économiquement et là où on pourra se faire entendre. Voilà, donc pour ces quelques réactions de manifestants recueillis par Marie-Paul Jeunhomme, la manifestation est maintenant terminée. Cortège disloqué du côté de la gare du Midi. La circulation est rétablie dans Bruxelles. Qu'en pense le Premier ministre? Charles Michel était interpellé cet après-midi à la Chambre sur les travaux budgétaires en cours, mais donc aussi sur la manifestation. Pour lui, la politique du gouvernement porte ses fruits. 76 000 emplois ont été créés, mais le Premier ministre a dit malgré tout comprendre les inquiétudes et les préoccupations exprimées par les travailleurs. Pour Charles Michel, il y a une grande ouverture avec les partenaires sociaux pour améliorer la capacité de croissance économique. Fin de citation. Faire de Bruxelles un centre majeur de la culture en Europe, c'est l'ambition affichée par le gouvernement bruxellois. Il a précisé cet après-midi son projet pour le bâtiment Citroën dans le quartier du Canal. L'idée, c'est d'y installer un pôle culturel de dimension internationale, mais il y aura aussi un musée d'art moderne et contemporain. Un partenariat a même été conclu avec le centre Georges Pompidou de Paris, le centre qui mettra une partie de ses collections à disposition et qui jouera un rôle de conseiller. Écoutez son président Serge Lavigne. Ce sera une collaboration dans le domaine du conseil, dans le domaine du partenariat, dans toutes les dimensions possibles, c'est-à-dire les acquisitions. Si ce centre veut se doter d'une collection permanente, nous l'aiderons à acquérir. La programmation, nous avons une certaine expérience en matière de programmation et notamment de programmation pluridisciplinaire. Et je crois que la pluridisciplinarité dans une ville comme Bruxelles, c'est quelque chose de très stimulant, de très motivant. Et puis il y aura tout ce qui touche à l'ingénierie muséale, à la politique en direction des enfants, des adolescents. C'est un partenariat 50-50? Je crois, c'est difficile de dire cela. D'abord, nous ne serons pas seuls, puisqu'il y aura aussi une partie dévolue à l'architecture. Je crois que c'est surtout un dialogue. Ce sera effectivement un dialogue entre les responsables de l'institution et nous-mêmes. Et c'est vrai que dans ce dialogue, nous serons là en tant que centre Pompidou. Interview de Philippe Carlot, ouverture annoncée de ce futur musée pour 2020. Le gouvernement flamand a présenté récemment son budget 2017. Le ministre-président flamand avait souligné que ce budget était à l'équilibre. Mais ce budget ne reprenait pas les travaux liés au contournement d'Anvers. L'Europe pourrait donc y trouver à redire. La commissaire européenne Marianne Thyssen vient d'annoncer que ce projet devait figurer dans le budget flamand. Un budget qui n'est donc plus à l'équilibre, souligne l'opposition. Enfin, c'était il y a quelques minutes, un accident de train s'est produit à Hoboken, aux États-Unis, près de New York. Le train ne s'est pas arrêté. En gare, il y aurait une centaine de blessés, selon un bilan toujours provisoire. On ne connaît pas encore les causes de cet accident. Bel après-midi à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Et c'est l'heure de retrouver Walid, c'est presque sérieux sur la première. Effectivement Nicolas, merci de nous avoir informé retour de l'info tout à l'heure à 16h30. D'ici là, vous l'avez dit, nous sommes presque sérieux. Excellent jeudi à vous, que l'émission commence. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Hillary Clinton, ça peut être une bonne présidente parce qu'elle peut faire deux choses en même temps. Qu'est-ce qu'elles savent faire tous les deux en même temps, les femmes? Elles savent écrire et téléphoner. Rita, qui est aveugle et qui s'est aperçue, enfin, on s'est aperçu pour elle qu'elle vivait avec le squelette de son fils depuis 20 ans. Non, mais non, non, non. Elle a fait une chute dans son living, ouais, qui devait être un peu arrangée. Et sa sœur est venue, on l'a emmenée à l'hôpital, et sa sœur est venue chercher des affaires, et en dessous d'un amas de vitres, il y avait le squelette encore habillé en jeans et capuchon, et même il avait ses chaussettes. C'est énorme, c'est énorme. Donc vous imaginez, sa sœur n'est pas souvent la voir. Savez-vous de qu'on dit GIF en réalité? Parce que le fondateur du GIF a un jour fait cette déclaration. Et on dit Jougel aussi. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame, je vous appelle présentement concernant la photo de monsieur Franken. C'est concerne le vidéo d'hier? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Ah, c'est vous qui êtes sur la photo? Oui. Et que souhaitez-vous, monsieur? Ah, des excuses de monsieur Franken de sa bouche tout de suite, pour éviter tout problème. Ok, monsieur. Vous vous moquez, vous aussi, de moi? Non, pas du tout, pas du tout. Et madame, vous rigolez? Non, moi je rigole avec mon collègue sur autre chose, et donc voilà. C'est quoi? Je n'ai pas que ça entre nous deux. Il n'y a pas de racisme en football. Mais d'autant qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Surtout un meilleur footballeur. Surtout un meilleur footballeur, ils font tous à peu près 1m70, 1m75, ils sont tous bruns, sauf le gardien, mais enfin ça aide pas trop. Voilà, c'était notre rubrique. Que peut-on dire à la RTBF sur Radio du Repos, le PS au monde, sans que le micro soit coupé? La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Ah, aujourd'hui à Bruxelles, c'est manifersaire hein, pour les deux ans du gouvernement Michel. Alors avec moi, joyeux manifersaire. Joyeux manifersaire. Joyeux manifersaire. Ah, et tous ceux qui ont manifesté. Ah, ça nous fait plaisir d'être avec vous. En tout cas, eux, ils n'hésitent jamais à pratiquer le désemballement médiatique pour voir quelle présence se cache réellement en dessous. Voici vos chroniqueurs du jour au théâtre. Elle illumine les pièces montées. Oui, c'est notre petite bougie à nous. Marie-Paul Kums, bonjour. Bonjour. Imbuvable que sont ces justement lois du gouvernement. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas pu le voir. Raison de la manifestation, parce que c'est imbuvable, tout ce qui est imbuvable. On ne le voit pas. Catherine Renvaux. C'est Edgar Schutz. Bonjour. Ah, bonjour. Edgar Schutz est avec nous. Tiens, elle, justement, elle nous fera un beau cadeau tout à l'heure. C'est de nous présenter sa chronique dans laquelle je vais participer. C'est oui. Catherine Renvaux, effectivement. Est-ce que spécialement pour la manif, il nous a sorti des carapils stouilles? Des carapils stouilles. C'est Vincent Flibustier, bonjour. Mais la carapils, c'est vraiment pas mal. Merci. Vous avez vu que dans sa chemise, il y a à la fois du rouge, du vert et du bleu. Ah, il veut se fâcher avec personne. Il veut se fâcher avec personne. Et de quelle couleur est son slip? Écoute, je crois qu'il est drapeau américain parce que les Américains font peur. Tiens, voir les manifestants de la FGTB défiler lui a rappelé cette série. Il était une fois la vie. Vous vous souvenez, il y a le petit bonhomme rouge, les globules rouges là, qui passent. Mais c'était ça. Il était une fois la vie. Raoul Reyer, c'était avec nous. Sauf que ces globules rouges là ne tiendront pas le coup longtemps. Ah, non, ils sont imbibés. Ah, ben. Bah, pas toutes, en tout cas, pas toutes. En tout cas, elle, avec elle, jamais de surprise puisqu'elle a préparé cette émission et on peut compter sur elle, c'est Carole Baquet. Et pas d'anniversaire réussi, sans bonne sono, comme dirait l'autre. Il assure l'enchaînement des Fariboles, c'est notre réalisateur Grégory Carrette. Merci à vous d'être presque sérieux comme le chroniqueur du jour. Vous imaginez s'ils sont 6 carrettes. On ne l'a jamais fait celle-là. Une bonne petite 6 carrettes. C'est là. En attendant, vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font. C'est avec vous que nous en rayons. Soyez les bienvenus sur la première. C'est presque sérieux. Sur la première. On ira faire un tour du côté de l'actualité du jour de ce 29 septembre. Au programme de 7h30, un remède miracle contre les pierres aux reins. Ah oui, vous saurez tout avec Catherine Ronvo. On va penser à nos bêtes avec notre chère Marie-Paul Kums et la loi votée à l'Union européenne qui permet donc qui permet donc aux victimes du 11 septembre de poursuivre l'Arabie saoudite en justice. On en parlera dans un instant avec Edgar Schotz. Au menu également du qui a dit, nous jouons avec l'actualité et avec vous. N'hésitez pas à vous inscrire en envoyant ces trois lettres CPS au 6031 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On vous offre un magnifique ouvrage, un exemplaire de l'album Belgium, etc. Toute l'histoire de la Belgique, revue et corrigée par Gilles Dalle, qui vous raconte vraiment l'histoire de la Belgique, mais sous une autre forme, celle de la bande dessinée. Des caricaturistes également au menu de cet ouvrage. 22 caricaturistes belges célèbres, donc n'hésitez pas à vous inscrire en envoyant ces trois lettres et venir jouer donc avec nous. Qui a dit, qui aurait pu dire, on se sent vraiment insulté. Des propositions que nous vous ferons. En attendant vos propositions, si on passait à la une du jour en chanson, s'il vous plaît. C'est parti. Ouais, voilà, je l'ai fait exprès parce que je vois Greg Carrette. Vous ne voyez rien, je raconte tout aux auditeurs. Greg Carrette est en train de discuter avec Carole Baquet tranquillement. Et à un moment donné, je me dis, je vais lancer le jingle, il ne va pas l'entendre. Et effectivement, je lance le jingle. Et, oh, il a été surpris. C'est la une. Et voilà, il a même saturé le jingle. Vous vous rendez compte à quel point. Je me demande s'il ne mange même pas de la tarte de l'autre côté. Je sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais voilà, en attendant, écoutez attentivement les deux extraits musicaux que voici, tenter de les rattacher à une actualité, celle de ce 29 septembre. J'ai mon permis, monsieur l'agent. Ma petite auto, c'est la mairie. Et grand safari d'Afrique. T'as changé ce matin. C'est la fête. C'est quoi? C'est la dette. C'est la dette. La dette. Ah, c'est pas mal ça. Jean-Michel Vincent, la dette. c'est un ami à vous. Première fois de sa vie qu'il a des droits d'auteur. Si on les déclare. Et vous savez quoi? Après 17h, je vous fais écouter le morceau presque en entier. C'est la dette. Jean-Michel Vincent, que j'embrasse d'ailleurs au passage. Et Philippe Clay également, le permis de conduire. Lui aussi, il a droit des droits d'auteur aujourd'hui. Bah, Philippe Clay. Est-ce qu'il vit toujours, Philippe Clay? On ne sait pas, je vais regarder. Alors, regardez. Qu'il existait. Le permis de conduire. Alors, de quoi s'agit-il? D'un permis. Alors, on parle de permis, oui. Pour les vélos électriques? Non, ce n'est pas pour les vélos électriques. C'est une vieille info, ça, les vélos électriques. Ah oui, ouais. Pour les vélos. Mais de quoi parle-t-on aujourd'hui dans la presse? Est-ce qu'on reparle pour la 14 000e fois du permis à points? Non. Ça concerne la conduite? Ça concerne la conduite, oui. Les véhicules de chez Caterpillar, déjà vendus, ils vont les distribuer aux gens, mais il faut avoir un permis de conduire un tracteur. Non, c'est pas ça. Non. Bon, pour les jeunes. Alors, je vous donne un chiffre. 13 787. Ah oui. Des gens en trottinette. En trottinette. Non. C'est le nombre de personnes qui roulent sans permis. Eh oui, Vincent Flibustier. L'année alors dernière. Ils sont arrêtés, on leur retire, mais ils ne l'ont plus. Donc on peut rien faire. On est foutus. 13 787 personnes l'année dernière ont comparu devant le tribunal de police en Belgique pour avoir pris donc le volant sans permis de conduire. Au total, 507 personnes ont été acquittées. Ah ouais. Ah. Vous reliez sans permis, mais on va quand même vous acquitter. C'est parce que si on les met en prison, ça coûte de l'argent. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire s'ils sont insolvables, à part leur confisquer? Je crois qu'on confisque leur voiture. Oui. Alors, vous êtes d'abord puni d'une amende de 200 euros à 2000 euros. Ça, c'est la loi. À ce prix-là, ça vaut la peine. Si vous avez fait une fausse déclaration en vue donc d'obtenir un permis de conduire ou un titre qui en tient lieu, dans ce cas, le document obtenu est saisi. Confiscation est prononcée en cas de condamnation. C'est-à-dire que si vous faites semblant d'avoir un permis de conduire qui n'est pas à vous, vous risquez d'aller en le faites confisquer ailleurs. Je connais quelqu'un qui s'était fait confisquer son permis en France directement et puis il est venu en rechercher en Belgique en disant qu'il l'avait perdu. Il y a d'autres infractions, monsieur, au permis de conduire, notamment celle-ci. Si vous conduisez un véhicule à moteur alors qu'il est atteint d'un des défauts physiques ou une affection déterminée par le roi. C'est, je vous jure, c'est écrit texto. Conformément à l'article 23. Chapitre 1, aligné à 3. Là, il y a des exemples. J'en ai quelques-uns. contrôle ne satisfait pas au contrôle technique, etc. etc. En gros, c'est ça. Vous êtes puni également d'une amende de 50 à 500 euros si vous avez commis une infraction aux dispositions. En gros, si vous n'avez pas votre permis, vous allez en taule. Donc, si... En fait, il y a quand même 500 qui ont été acquittés. Hein. Je pourrais essayer. Mais Koen Gaines a dit qu'il allait changer la loi et que ça allait être beaucoup plus sérieux, les peines. Oui. C'est vrai. J'ai un petit jeu. Ici, mort ou pas mort? Allez-y, dites-moi. Philippe Clay. Alors, mort. Mort. Mort en 2007, non. Oui. Mort en 2007. Ouais, c'est moche. C'est triste. Voilà. Merci Raoul. Il va avoir ses droits d'auteur. Bon, et on l'attend avec impatience. Vous savez qui c'est? C'est Jean-Michel Vincent. Le voici. Tout a changé ce matin. Il nous reste rien. C'est la tête. Morceau qu'il avait enregistré dans sa chambre. Oui. Ou dans sa cave, d'ailleurs. Ou dans sa cave, effectivement. Il n'avait plus d'argent pour aller dans un studio. Ah, bah, c'était la dette, effectivement. Il en avait trop, justement, que pour pouvoir avoir un morceau de bonne qualité. De quoi s'agit-il? Pour quelle raison on parle de dette? Est-ce que vous avez lu une info dans la presse? Il y a beaucoup de dettes. Ah, tout le monde est endetté. De parler de dette. Mais il y a un organisme en particulier qui continue d'augmenter sa dette. La communauté Wallonie-Bruxelles. Non, pas les banques. Pas c'est vrai que le choix est... La COCOF, la CMCDM, KU. Non. Ah, Il y en a moins d'argent qu'avant. Le cinéma de Namur. Non, ce n'est pas ça. Moi. Une entreprise qui continue... Le centre de l'audiovisuel. Une entreprise publique, la SNCB. SNCB, Vincent Flibustier, effectivement. SNCB. La dette de la SNCB continue d'augmenter. Mais il n'y a pas d'autres endroits où les dettes continuent d'augmenter, ça, je suis sûr. Mais là, en tout cas, endroits. C'est certain. Imaginez la dette du chemin de fer. Plus de 6 milliards d'euros. Plus de 6 milliards d'euros, c'est énorme. Et on diminue les trains en plus. Mais ça va s'arranger, vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que la nouvelle, enfin l'ex-CEO d'Electrabel est pressentie pour remplacer Cornu. Bah oui, bien sûr. Et là, ça va bien. Déjà que la TVA va remonter à 21%. Il y en a beaucoup qui disent que si elle devient justement l'ancienne patronne d'Electrabel devient la CEO de la SNCB, on aura enfin de la lumière au bout du tunnel. C'est ce qui se dit. En attendant, l'actualité se poursuit dans cette émission presque sérieuse avec des cadeaux que nous allons vous offrir. Un album, et quel album? L'album Belgium, etc. 1830-2030. L'histoire de la Belgique en bande dessinée avec l'ami humoriste, écrivain, historien Gilles Dahl. Une expo d'ailleurs à voir au musée Bellevue autour de cette bande dessinée. N'hésitez pas, une exposition jusqu'au 6 novembre. Une phrase que je vous propose tout de suite. Qui aurait pu dire on se sent vraiment insulté? On vous fera bien entendu des propositions. Vous gagnerez ce bel ouvrage en vous inscrivant, en envoyant simplement donc ces trois lettres CPS au 60-31, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous voulez connaître le remède miracle contre les pierres aux reins? À nos âges, oui. Écoutez, restez sur la première. Il faut qu'on sache s'il y a des facteurs environnementaux ou génétiques à l'origine de la réaction inflammatoire. Je croyais que tout le monde mentait. C'est dans le mensonge que la vérité commence. Méditez cela. Mais ça ne veut rien dire, non? C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Excusez-moi. Oui? La Peugeot 208, là. Le parc assist, elle l'a? Elle l'a. Et la caméra de recul, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a l'Active City Break et elle a le Mirror Screen aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui? Ah ben oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. La première présente les villes et communes de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut et les opérateurs publics vous invitent à la 3e édition du Forum Immobilier ces 20 et 21 octobre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. À découvrir les projets en cours et à venir dans la région et les possibilités d'investissement dans tous les secteurs de l'immobilier. Plus d'infos sur forum-immobilier.be. Écoutez ça! Pour le 25e anniversaire d'Intermarché, profitez d'une offre savoureuse. Les filets de poulet origine Belgique sont à moins 50%, soit seulement 5,24€ le kilo. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. En octobre, au Bon Repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Vous venez d'où comme ça? L'Amérique. La danseuse, avec Soko, Lily Rose Depp, Gaspard Ulliel et François Damiens. Une fresque magnifique sur l'œil Fuller, artiste libre et moderne, dans un monde à l'aube de changement. Vous avez été éblouissante. Nous allons faire entrer cette maison dans le nouveau siècle. La danseuse, une coproduction RTBF, actuellement au cinéma. La première. Mobile Info. Et 16h19, on va faire un point sur vos conditions de circulation. Si vous circulez dans la capitale, bien la manifestation se termine, est terminée déjà. Y a-t-il des embouteillages, Anne-Michel Vlouberg ? Ah, mais c'est bel et bien terminé depuis un petit moment maintenant. Tout reprend son cours, je dirais, de façon normale et quotidienne. Sinon, on a les travaux qui vous ralentissent sur le 429 à le tourner Lille. Entre Quin et la frontière, vous perdez près de 3 quarts d'heure. Accident sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure, peu avant les travaux à Oullard, passage difficile, défile depuis Zaventem, vous perdez là également près de 45 minutes en direction d'Ytre. Mis à part cela, en extérieur Zaventem, Grand Bigard, vous pouvez compter une quinzaine de minutes supplémentaires et puis des ralentissements à Bruxelles dans le tunnel Boileau en direction de Mézières. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Nous jouerons ensemble au qui a dit avec cette phrase extraite d'un quotidien aujourd'hui, une personnalité qui aurait pu prononcer cette phrase. On se sent vraiment insulté. Alors qui ? Qui aurait pu prononcer cette phrase ? Vous avez des propositions à nous faire et vous ferez ces propositions à l'un ou l'une de nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous inscrire en envoyant donc ces trois lettres CPS au 60 31 75, centimes le message, nom, prénom, adresse. Venez en paix, venez en confiance, venez avec rien finalement, puisqu'on va vous aider. Et vous repartirez, ça c'est sûr, avec un exemplaire de l'album Belgium, etc. 1830-2030. En attendant et en vous attendant, eh bien parlons de l'actu du jour. Avec un chercheur américain qui vient de faire une découverte étonnante dans le traitement des pierres aux reins, une méthode qu'on peut définir de révolutionnaire, sans médicaments et sans douleur, enfin presque, Catherine Renvaux. Effectivement. Alors aujourd'hui, Catherine, donc, vous nous emmenez chez l'urologue pour une découverte médicale majeure. Oui, enfin c'est une image, Walid, je vous rassure, ainsi que tous les autres. Je suis tombée sur un article qui annonce la découverte par un médecin américain d'un remède miracle pour évacuer les pierres aux reins. Des séances dans une attraction à sensation appelée la mine. Donc d'après ce chercheur, 20 séances dans cette montagne russe au wagonnet caotant et vos calculs rénaux ont disparu. Il a testé lui-même avec une réplique 3D d'un rein obstrué toutes les attractions du parc et il est en mesure de prouver que l'attraction la plus performante est celle qui brinque-balle, qui ne va pas trop vite et qui ne vous met pas la tête en bas. Mais un peu comme notre réseau autoroute évidemment. Oui, excusez-moi, je vous coupe, hein, oui. Je fais comme dans Matin Première. Mais peut-on voir cette... Ça, je suis sûr que c'est pas marqué sur la feuille. Si, je vous jure. Oui, mais peut-on voir cette découverte comme une avancée dans la médecine capitaliste ? Mais tout à fait, Walid, c'est la question qu'on se pose. Va-t-on voir un jour l'ouverture de parcs d'attractions pour nantis souffrant de petits bobos, de parcs à thème sponsorisés par les grandes firmes pharmaceutiques ? Va-t-on attendre à ce que Pfizer, le producteur du Xanax et du Viagra, présente son parc à thème Lost But Found Paradise, c'est toujours en anglais les noms des parcs à thème, Paradis perdu retrouvé, avec son lot d'attractions volantes, ses petites voitures molletonnées et son super cinéma 3D ? Recevrons-nous un jour dans notre boîte mail non sécurisée une invitation à l'ouverture du nouveau parc Bayer-Monsanto, la petite ferme au soleil, une offre exceptionnelle pour le week-end, avec un cadeau de 3 vomitifs à l'achat de 2 galettes bio, la petite ferme au soleil, le rendez-vous du bonheur en famille ? Va-t-on un jour nous prescrire pour un problème de calvitie 10 entrées dans la maison hantée ? Pour un problème de peau, 10 tours de la Raja River. Pour des varices, un pulsar par jour durant 3 semaines à prendre entre les repas. Ou 35 séances consécutives de chute libre avec le Dalton Terror pour des soucis d'hémorroïdes. On l'aurait compris, donc vous prenez vous avez une carte de membre chez Walibi. C'est ça. Je sais. La porte semble ouverte donc à de nouvelles dérives. Mais oui, elle est grande ouverte effectivement. Ce sont de nouvelles questions d'éthique qui se posent au niveau de l'acharnement thérapeutique par exemple. Jusqu'à quel âge peut-on envoyer un vieux dans le cobra ou le sirocco pour un soin des gencives ? Doit-on à tout prix accepter d'être soigné dans la ronde des tasses pour une addiction à la caféine ? La petite musique du monde des poupées est-elle nécessaire en cas de migraine ophtalmique ? Et quelle sera la position de Maggie Debloc quant au remboursement lié à Popslanan ? Quels seront nos droits face aux problèmes de file d'attente, de pluie ou de journée spéciale roue ? Y aura-t-il un danger à dépasser la date de péremption du ticket ? Comment les médecins devront-ils faire face au lobby des constructeurs de montagnes russes ? Ce sont autant de questions qui restent pour l'instant sans réponse, mais qui, très certainement, dans un avenir très proche, feront l'objet de colloques, congrès et autres assemblées générales qui dénonceront, acteront et mettront en garde contre les médecines vraiment très parallèles. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les consommateurs. Mais évidemment, Walid, car quoi de plus sympa que d'être soigné en s'amusant, sans douleur, enfin, sans celle pour laquelle on souffre ? C'est comme pour tout, vous savez, dès qu'il y a de la joie, la pilule passe mieux. Et si la pilule est remplacée par un tour à la foire, alors là, c'est bingo. C'est d'ailleurs un concept un peu vieux comme le monde, car comme disait déjà La Fontaine, qui n'est pas le créateur d'Aqualibi ni de Paradise, le monde est vieux, dit-on, je le crois, cependant. Il faut amuser encore comme un enfant. Ah oui, bien restons des enfants, c'est notre thématique. Et le plus vieil enfant d'entre nous est avec nous. Oui, saluons Raoul Reyers. Raoul Reyers. Choisir petit... Antoine Libye et les Pierrot, hein, je choisis les Pierrot. Promets, vous savez que j'ai fait un rêve. Je vous raconte un rêve. Je vous raconte un rêve. Ouais. Vous vous souvenez de cette pub Evian avec les enfants? Oui. Ben, j'ai imaginé Raoul Reyers en l'ange comme ça, faire du roller. Mais rajeuni ou pas? Non, lui comme ça. C'est génial. C'est un rêve prémonitoire. C'est ce que je vous ai dit hier, vous devriez consulter. Oui, c'est ça. Tiens, Raoul Reyers, c'est à vous, on vous écoute. Hé, hey, Raoul, ça fait du bien. Je suis désolé, mais je vais commencer par une mauvaise nouvelle. Allez-y, Raoul, allez-y. Alors, ça se passe à Esch, mais Esch sur Alzette ou Esch sur Sûre, parce qu'au Luxembourg, les deux existent. Mm-hmm. Eh bien, figurez-vous qu'on venait de remplacer le terrain de football par du terrain synthétique. Non, ils n'ont pas fait ça. Je vous jure. Non. Le problème, c'est qu'un jardinier de la commune est venu le tondre. Et il coûtait quand même 800 000 euros. C'est lui qui va être tondu. Ah là, ça fait mal, ça. Ces petites actualités, c'est terrible. Ouais. Comme ces 12 réfugiés découverts dans un camion frigorifique. Ah oui. Après que les flics leur auraient dit « Allez, descendez, vous êtes cuits. Tant que ça vous fait rire, ça me fait plaisir. Allez, remettez-en une couche. Allez, bon, est-ce que vous vous intéressez aux nouvelles technologies? Par exemple, oui. Il y a un nouveau truc qui s'appelle August Home qui peut permettre d'ouvrir vos portes d'entrée ou de garage à distance. Mm-hmm. Et vous savez qui ça intéresse? Les voleurs. Non, Amazon. Pour les colis. Ils veulent venir déposer directement le colis chez vous. À la maison. Vous achetez un micro-ondes, ils viennent le déposer dans votre cuisine, à vélo, dans votre garage. Ah oui. Donc imaginez, vous descendez un jour vers 10h du matin en caleçon, vous mettez dans le divan, il y a un type qui rentre, il vient déposer votre colis. Il fait une photo du colis et de vous en caleçon, évidemment, parce qu'il doit prouver qu'il a bien déposé le colis. Ouais. Et bon, ça peut permettre n'importe quelle dérive. Mais jamais de la vie, personne ne va laisser quelqu'un rentrer chez vous. Écoutez, ils sont en train de tester le problème. Imaginez l'une ou l'autre cougar dans sa maison qui attend son colis. Je suis en haut. Allez, nous, on va poursuivre cette aventure presque sérieuse avec une phrase. Et vous avez des propositions pour nos auditeurs. On se sent vraiment insulté. Quelqu'un a prononcé cette phrase dans la presse aujourd'hui, en ce 29 septembre. La question, c'est qui? À vous de déterminer dans un instant et nous vous offrons des cadeaux, un exemplaire de l'album Belgium, etc. de notre ami Gilles Dalle. N'hésitez pas à vous inscrire en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Événement La Première. La Première vous invite à intégrer son équipe de marcheurs dans le cadre du grand défi des 100 km pour Cap 48. Le dimanche 9 octobre, rejoignez l'équipe de La Première pour une promenade d'une vingtaine de kilomètres en région liégeoise. La Première compte sur vous. Inscrivez-vous sur le site lapremière.be. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Mieux on connaît le monde, mieux on s'exporte. Alors, en Inde, comme dans d'autres pays, on vous dira jamais non de façon directe, même dans le business. On vous dira oui, oui, oui, mais. Vous comprenez? Oui? Non, vous voulez dire oui, oui ou oui, mais? Quoi? Avec Bruxelles Investi Export, un monde de perspectives s'ouvre à vous. Conseils personnalisés, contacts sur tous les continents, missions économiques, aide financière. Découvrez une force d'action unique pour les entreprises bruxelloises sur bruxellesinvestexport.be. Bruxelles Investi Export, créateur de perspectives. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct, direct, direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. C'est la braderie d'automne au Stockel Square. Un véritable feu d'artifice de bonnes affaires pour toute la famille. Alors, pour en profiter, rejoignez-nous ces vendredis, samedi et dimanche. La grande braderie d'automne, celle qui étonne. Stockel Square, y a vraiment tout pour nous plaire. Stockel Square. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de champagne Duval-le-Roi pur chardonnay achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Ce mois-ci, le magazine Gaël découvre une Nadja Labib inattendue. Derrière l'ex-envoyée spéciale en Afghanistan et la présentatrice du JT de la RTBF, bouillonne une femme intuitive, ouverte, qui adore l'imprévu. Nadja est toujours où on ne l'attend pas. À découvrir ce mois-ci dans Gaël. Gaël. Vous avez tout pour vous. La première. 16h30. Nicolas Lehmann pour vous informer. Bonjour Nicolas. Bonjour. Un train lancé à toute vitesse. Il ne s'arrête pas en gare et vient se fracasser contre les quais. Cela s'est passé il y a moins d'une heure à Hoboken, tout près de New York. Il y a de très nombreux blessés, au moins une centaine, selon les médias américains. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de gens en gare à ce moment-là, c'était l'heure de pointe. On ignore toujours les causes de l'accident. Entre 45 et 70 000 manifestants dans les rues de Bruxelles cet après-midi contre le gouvernement fédéral, jugé plus proche des patrons que des travailleurs. En front commun, les syndicats ont dénoncé une politique asociale, saut d'index, flexibilité du temps de travail. À la Chambre, Charles Michel a dit comprendre les préoccupations des manifestants, mais il a aussi défendu son bilan. 76 000 emplois auraient ainsi été créés en 2 ans. Le plan Canal entre dans une nouvelle phase. Depuis les attentats du 22 mars, seules 2 communes ont pu recevoir des renforts policiers à Bruxelles, Molenbeek et Vilvoorde au nord de Bruxelles. 6 autres communes vont en bénéficier. Anderlecht, Koekelberg, Laeken, Saint-Josse, Saint-Gilles et Schaarbeek. On entendra le ministre de l'Intérieur, Yann Niambon, dans le journal de 17h. Et dans cette même zone du canal à Bruxelles, l'arrivée prochaine d'un partenaire de prestige pour la culture. Le centre Georges Pompidou de Paris sera bientôt associé au futur musée d'art moderne et contemporain. Un musée qui doit normalement voir le jour dans le bâtiment Citroën d'ici 2020. Voilà les grands titres du prochain journal de 17h, Walid. Merci Nicolas. Effectivement, nous sommes presque sérieux. Retour de l'information tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Pour jouer avec nous, on accueille Mickaël. Mickaël, bonjour. Bonjour Walid. Vous allez bien ? Très bien, très bien. Ah, vous venez ouais. D'Étimbourg, c'est bien ça ? Exactement. C'est dans la commune d'Étimpuis. Ah, chez oui, Daniel oui. Sénéchal. Ah ben oui, si, bien sûr, qu'on appelle l'autobronzant. Non, mais c'est particulier. Parce que... Pardon ? Sinon, ça... c'est quand on se moque. Ah oui, ah, nous, on se moque jamais. Ah non, non, c'est comme ça que... Ah, sinon, on l'appelle comment ? Un excellent bourgmestre depuis plus de 2-3 décennies, si je me trompe. Et un gentil papa. Alors, dites-nous un peu... Ouais, bah alors, Étimpuis, on connaît bien. On connaît bien parce qu'il y a Gérard Depardieu, oui. Bien sûr. Il y a la famille Mullier. Ah, ça, c'est une. Ah, c'est la une famille Mullier. Pardon. Il y a un fabuleux truc, je crois que c'est Enquête Interdite ou un truc comme ça de France 2 qui investigue, donc ils détiennent Auchan, Décathlon, Boulanger. Ouais. Et c'est un machin fiscal monstrueusement. Ah, malin, ben. Allez à Étimpuis, monsieur. Allez à Étimpuis. C'est une commune de gens riches. Non, il y a des gens modestes très bien aussi. Bien écoutez, Mickaël, ravi de vous avoir avec nous en tout cas. Allons nous intéresser à l'actualité du jour. En ce 29 septembre, dans la presse, quelqu'un a pu dire « On se sent vraiment insulté ». La question, c'est... Ben, c'est qui ? Des propositions que voici. « On se sent vraiment insulté », Edgar Schotz. Il s'agit d'Olivier Le Chien. Le bien nommé, le porte-parole de l'Empiris à propos du classement des producteurs d'énergie verte qui a été, comme vous l'avez entendu, publié par Greenpeace et dans lequel, faut-il le dire, l'Empiris ne figure pas en très bonne place. Uh-huh. Olivier Le Chien pour Edgar Schotz. On va demander à Raoul Reyers. Eh bien, c'est Marie-Hélène Ska. Elle s'est sentie insultée parce que la police a dit qu'il n'y avait que 22 725 manifestants en vert. Elle les a même presque injuriés en disant « Ils sont daltoniens !» On était au moins 27 000. Ah, au moins. Marie Lenska pour Raoul Reyers, on se sent vraiment insulté, Marie-Paul Kumps. Alors non, c'est pas du tout ça. En fait, il s'agit de Jean-Marie Briquet. Ne cherchez pas, vous ne le connaissez pas, c'est un cuidam, un ex-amant de Véronique Piroton. Il aurait dit « On n'en a que pour les vedettes. Véronique a eu beaucoup d'autres amants et on ne les appelle même pas à la barre. » Oui. Un jeu de mots avec bar, Wally. Non, je cherche un truc même sur briquet. Elle allume la mèche. J'ai rencontré quelqu'un dont Oswald, l'amant d'Ironique Perroton, était le psy. Et il m'a dit, ouf, maintenant ça fait bizarre de repenser à toutes nos séances. Voilà. Bah écoutez, ça me fait bizarre que vous ayez des amis comme ça. Vincent Flibustier, justement, qui aurait pu dire on se sent vraiment insulté? Ouais, ça va vous faire bizarre, Walid, puisque c'est l'ambassadeur de Chine à Bruxelles qui est tombé sur notre émission et vous a entendu faire le chinois. J'ai jamais insulté, je suis au contraire. Je respecte cet empire du soleil levant. Et puis, qui est d'ailleurs au Japon. Il ne connaît pas tous les patois. Hein? Non, je connais pas tous les patois. Je me parle couramment le mandarin, c'est tout. Je maîtrise un petit peu. Ce type est vraiment susceptible. Mais, oui, c'est ça. Franchement. Alors, on va demander à Catherine Ronvaux. Maintenant, c'est le couple Bernevièvre. Donc, c'est Bernard Templon et Geneviève Dijonnet. C'est un couple star de la série Plus belle la vie de la semaine passée qui se sépare et dont personne ne parle. Et ça, c'est quand même un peu honteux. Couple de Plus belle la vie. La vie de l'année passée. Plus belle la vie de l'année passée. Vous êtes resté bloqué dans les vieux épisodes. Parfait. On a donc le compte. Hein. On a 5 de propositions. Et parmi ces propositions, il y a une bonne réponse. Mon cher Mickaël, qui aurait pu dire on se sent vraiment insulté? Olivier Lechien, Marie Lenska, Jean-Marie Briquet, l'ambassadeur de Chine que j'embrasse au passage, et un couple de Plus belle la vie, mais de l'année passée. Dont on a déjà oublié les noms. Bien sûr, c'était l'année passée. Alors, Mickaël. Alors là, je suis dans l'expectative. Je vais éteindre le briquet déjà. Ah, on a éteignons le briquet, effectivement. Je pense pas que les Chinois aient été vexés par l'hommage que vous avez leur avez rendu. Allez, c'est le mot que je cherchais, figurez-vous, Mickaël. Oui, ils ont dit dommage. Hommage est très modeste. C'est vrai qu'entre hommage et dommage, il y a des lettres qui se perdent. Juste hommage au désespoir. Si vous réclament des dommages et intérêts, dites-leur que vous faites un hommage avec beaucoup d'intérêt. Mais je promets, ne vexez pas, mes amis. On enlève l'ambassadeur de Chine, qu'on l'embrasse au passage. Ouais, s'il nous écoute. Mais bien sûr. Pas qu'on l'embrasse. Au niveau Plus belle la vie, personne n'en parle, donc on va pas en parler plus. Ouais, d'accord. Alors, il reste K et l'Empiris, et là, j'avoue que j'ai une sérieuse hésitation. Alors là... Vous voulez pas me donner la lumière, alors, je pourrais vous donner la lumière, mais je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné l'indice au départ. Ah oui. Ah oui. Mais vous n'écoutez pas. C'est pas correct. Alors, ça. Votre bourgmestre, bon, on va pas se mentir. Il est pas bronzé. Il fait énormément de courses à pied, faut savoir, et qu'on est dans le sud de la Belgique où il y a beaucoup de soleil. Ouais, c'est ça. Un microclimat d'énergie verte. C'est ça, soleil, ici, c'est les tropiques, c'est les cocktails. Et vous travaillez pour la communication du bourgmestre ou qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu dans son cabinet. Là, maintenant, tout de suite, vous appelez, c'est bien travaillé, finement joué. Rassurez-nous. Attendez, vous savez ce qui me ferait plaisir? Vraiment. Dites-moi. Qu'un jour, il vienne dans l'émission. Ah, mais je suis sûr qu'il sera certainement pas. Ah non, mais vraiment. Mais alors qu'il vienne en slip de bain. Parce que je l'ai vu en slip de bain un jour. Mais il a mis ses politiques et pas sa plastique par ça. Quand même. Ah, ouais, normalement, les hommes politiques, on peut pas. Mais lui, à mon avis, ça passe. C'est un homme. Il aime rire, il aime s'amuser. En tout cas, il vous le rend bien du côté des Tempuis. Et vous faites bien, effectivement. De travailler à ses côtés. Oui, mais vous serez pas augmenté, hein, attention. Mickaël, c'est donc gagné. Olivier Lechien, le porte-parole de l'Empiris. Greenpeace, effectivement, n'a pas été tendre avec l'Empiris dans son nouveau classement des fournisseurs d'électricité. J'ai gagné la BD. C'est fini. Pas mal que SB, au moins. Attendez. Les petits bonheurs. Et ah ouais, j'écoute tous les jours, j'en entends parler comme le loup gris, je veux en avoir alors, alors Mickaël, moi aussi j'ai envie d'une clé. Attendez, laissez-moi 30 secondes. On va se calmer. On parle toujours du sac. Mickaël, laissez-moi d'abord expliquer pourquoi effectivement Olivier Lechien a dit qu'on s'en sentait vraiment insulté. C'est d'après donc cette étude, ce classement de l'ONG Greenpeace qui sanctionne la société installée à Liège d'un 8 sur 20 contre 14 dans le dernier classement, en cause le rachat de la société par Total qui n'est donc pas au goût de Greenpeace, l'ONG qui reproche donc à Total ses activités dans le gaz de schiste. Et donc, Monsieur Le Chien, son porte-parole, n'a pas apprécié. Il explique qu'il se sent un peu insulté, en tout cas que l'Empiris se sent un peu insulté. Ça, c'est pour la réponse à la question. Effectivement, vous repartez avec cet ouvrage, l'album Belgium, etc., 1830-2030. Maintenant, vous voulez également une clé USB. Ouais. Et cette clé USB, mon cher Mickaël, il va falloir la mériter. Vous êtes à la commune pour le moment ou pas? Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, je suis en congé. Ah. C'est bien, c'est alors, mieux. Alors, vous avez exactement. Combien d'autres travailles-tu, vous savez ? Alors, vous avez exactement. Oui, c'est vrai qu'à 16h30, c'est déjà fini depuis 16h30. On va aller dans les cafés. Vous avez exactement. Écoutez-moi bien. Avant 17h30, pour aller trouver le bourgmestre et que je puisse l'avoir au bout du fil. Ah ben. Mais vous savez l'actualité aujourd'hui. Ah ben, bah, oui. Il est en manifestation, lui aussi, il manifeste. Ah oui, ça. Voilà. Mais elle est finie, la manif. C'est pas vrai, il manifeste aussi. Ah oui, bah, vous savez, Bruxelles est pas c'est une araignée. Et il a un GSM quand même. Écoutez, écoutez, moi je vous mets au défi. Je vous dis voilà, avant 17h30, il faut que je puisse l'avoir au téléphone, d'une manière ou d'une autre. Et je vous offre cette clé USB. Gâtez-le. Mais je vous garantis rien du tout. Attendez. C'est quand même triste de les donner. Voici voilà et moi je dois négocier. je suis déçu de cette émission. Moi, je vois qu'ils écoutent tous les jours en faisant du boulot. J'entends la clé USB, elle est magique. Et remarquez, je vais pas demander le sac. Pourtant le sac il me fait très envie. C'est même le mec qui négocie. C'est raisonnable. On voit que monsieur travaille en politique. Ah ouais, on sent le politicien qui sommeille en lui. Vous savez quoi? Je vous offre le sac et la clé USB. Bon, elle a l'air tellement sympathique, Mickaël. Mais attention, je veux quand même avoir le bourgmestre au bout du fil. S'il nous écoute, je veux quand même l'avoir au bout du fil. En tout cas, merci à vous, Mickaël. On salue tous les habitants d'Étimpuis, qu'on appelle comment? Les Étimpuisés. Les Étimpuisés? Non, Étimpuis comme bien, comme tournaisien, Étimpuisien. Étimpuisien. Eh bien, écoutez, voilà, on embrasse les Étimpuisiens. Tous ceux qui nous écoutent, en tout cas, merci à vous, Mickaël. Restez presque sérieux et fidèles à la première. Et on reste dans l'actualité du jour avec Marie-Paul Kumst. Et avec vous, Marie-Paul, nous allons penser à nos amis les bêtes. Ça, c'est quand Raoul Reyer sa faim. C'est le bruit de son ventre. Hein. N'est-ce pas, Raoul ? C'est un cerf qui brame. C'est un cerf qui brame, effectivement. Et intéressons-nous à l'actualité aujourd'hui avec vous, Marie-Paul Kumst. Nos amis, les bêtes, comment le gouvernement n'oublie pas nos bêtes ? Ben oui. Vous savez, Walid, vous le savez, qu'on ne peut pas traverser une autoroute, n'est-ce pas ? Vous savez ça. Oui, alors bon. On a une espérance de vie, 10 minutes exactement. Bon, vous ne le faites pas d'ailleurs, vous avez compris que c'est suicidaire de faire bien ça. Sûr. Mais figurez-vous que nos amis, les bêtes, qui, comme leur nom l'indique, sont plus bêtes que nous, ne l'ont pas encore compris, elles. Et quand leur horloge interne leur dit d'aller vers un point d'eau ou de rejoindre une autre partie de la forêt, par exemple, ces sottes qui n'ont pas pigé que nos autoroutes avaient complètement tronçonné leurs antiques territoires, à la tombée du jour, s'avance pour traverser le ring. Et bardaf, c'est l'embardé. Ah oui. Des crapauds explosent à bois fort, des écureuils atterrissent sur des pare-brises à Tervuren et des chevreuils vous plaquent contre un arbre en sinistre total à Groenendaal. Et tout ça, évidemment, ça fait pas très propre. Surtout à l'heure où on ne peut plus faire semblant de s'en foutre de l'environnement. Alors, le politique a décidé de s'en mêler et se targue d'agir. Et c'est ainsi qu'après plusieurs années de bénévolat à Boisfort pour faire traverser les crapauds au printemps, après la construction de tunnels réservés à nos 30 millions d'amis de petite taille sous les voies à grande vitesse, et la mise en place de câbles entre les arbres pour nos amis les écureuils en forêt de soigne, on construit maintenant, pour les plus grandes de nos bêtes, des ponts en dur qui passeront au-dessus de nos autoroutes. Et voilà que la première pierre de l'écoduc de Groenendaal a été posée lundi. Et comme on ne sait pas tout à propos de nos bêtes, Au cas où la grande marche de l'évolution nous ferait constater que dans quelques années, elles savent lire, figurez-vous qu'on a déjà gravé un poème sur la pierre numéro 1. Ouais. Oui. Bon, évidemment, ce n'est pas Les pauvres gens de Victor Hugo. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Mmh. C'est un poème magnifique, mais interminable. 8 pages écrites tout petit. Non, non, on a gravé simplement un haïku. Ça, c'est 3 vers. C'est beaucoup plus court. Hein. Notre ami. Et pour ne pas cracher sur l'argent européen, ça sert toujours, évidemment, l'haïku choisi est signé... Ben oui, eh oui. Herman Van Rompuy. Vous saviez évidemment qu'il est maître S. Haïku. Hein. Ah est, oui. Il est édité, notre camarade. Allez, allez, vous en voulez un ah au passage? Bien sûr. Évidemment. Boven mei, zwerm, welduizen vogels voorbij, mijn blik volgt ze. C'est-à-dire oui, quand je suis allé au magasin, j'ai acheté du lait. Non, ça prendrait trop de temps. Mais je peux vous donner la traduction. Bien entendu, il est écrit dans sa langue maternelle. Alors ça, je ne sais pas si les animaux qui vont lire dans un certain temps seront directement lire en flamand, ça je ne sais pas. Enfin, le haïku choisi, en tous les cas, paraît-il, est une ode au silence. Ça, on se demande comment c'est possible, une ode au silence au-dessus du ring, mais bon. Et pour le démarrage de ces grands travaux verts, on a commencé par couper quelques arbres. Ben oui, il faut ce qu'il faut, hein. Ben oui, les animaux méritent ce qu'il y a de mieux. Mais pas de panique, hein. L'écoduc de Groenendaal, qui fera 35 mètres de large et 60 de long, sera recouvert d'1,50 m de terre pour qu'on puisse y planter de nouveaux arbres. Non, on n'a pas pu récupérer les arbres coupés au début des travaux. Ça, c'est désolant, mais c'est comme ça. Arbres qui atteindront 15 mètres de haut. 15 mètres, oui. Mais Raoul, vous avez bien entendu, 15 mètres. C'est-à-dire genre un immeuble à 4 étages, quoi, vous voyez ça? Alors quand on pense qu'on a refait le tunnel Stéphanie parce qu'il y avait des petits morceaux de béton qui se détachaient et que ça aura normalement duré 8 mois, je n'ose imaginer quand l'écoduc de Groenendaal sera recouvert de grands arbres. Hein. 18 ans. Mais moi, oui peut-être. En tous les cas, moi je ne passerai plus en dessous, ça c'est clair. Mais enfin, les arbres sont indispensables. Car l'idée est, je cite, « de créer un prolongement de la forêt de soigne pour que les animaux n'aient pas le sentiment d'emprunter un passage artificiel. » Quand je vous dis que d'ici quelques années, il y a des animaux qui liront, ah, elles sont fines, nos têtes pensantes. Hein. Quelques arbres sur un pont en béton qui passe au-dessus du ring, ni vu ni connu. Nos amis les bêtes croient que c'est la forêt qui continue et elles se lancent au galop sur le pont pour traverser en toute sécurité. Et tout le monde est content, le politique et les animaux, mais eux ne le savent pas encore. Hein. C'est cool, non? Ah oui. Oh non, ça c'est pas bien. Qui a demandé combien ça coûtait? Mais, oh non, quelle vilaine langue, vous êtes si matérialiste. Moins que les travaux du RER, je vous rassure. Bon, mais vous vous doutez naturellement qu'il y a déjà des jaloux au gouvernement. Ah, hein, mais l'environnement, il a des idées trop cool. Allez, c'est dégueulasse, c'est nous alors. Hein. Eh oui, et à Caen, des gérontoducs pour les plus de 70 ans au-dessus de la chaussée de la Hulpe. Ah oui, c'est. Alors, vous savez, j'imagine une chose, c'est. L'animal, bon, bah, ça reste un animal, vous l'avez dit. Ne ah, lis pas. Ça reste un animal. Alors, ça, vous imaginez, c'est qu'on lui met des panneaux par ici. Oui, c'est ça, exactement. Genre, je vais passer voilà. Au-dessus. S'il a décidé de passer en dessous, il passera en dessous. Non, mais on a mis des arbres, hein, il va comprendre que c'est le prolongement de la forêt, vous voyez. Ouais, c'est ça. Non, ils sont plus futés contre quoi, vous savez. C'est vrai. Non, c'est ils ne vont pas se jeter sur le ring. Non, et non, le non. Premier camion le qui va toucher le pont, un arbre va tomber sous les automobiles. Ah, c'est triste. Ne parlez pas de malheur, Raoul, ne parlez pas moi, de malheur. Moi, je ne passe plus en dessous ce truc plein d'arbres. Ça coûte trop cher. Bon, en attendant, l'actualité, les histoires de Vincent Flibustier, c'est à venir. Histoire également avec Laurent Doss, avec qui vous avez rendez-vous aussi demain entre 13h30 et 14h30 sur la première, les infos de 17h. Et puis, on reviendra sur l'actualité de ce 29 septembre, où que vous soyez, en train de manifester, ou au café, hein, pourquoi pas, je dirais, non, pas sans autre, hein, pourquoi pas. Eh bien, soyez les bienvenus et surtout, soyez presque sérieux. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Avec Engie Electrabel, vous vivez mieux l'énergie jour après jour. Même s'il y a des dépenses que vous préférez faire plutôt que d'autres. Waouh, t'as une nouvelle tenue? Ouais, c'est joli, hein? Bah ça, c'est grâce à Box. Grâce à qui? Grâce à Box. Tu connais pas? Économiser sur votre facture d'énergie, c'est simple avec Box, le cerveau digital de votre maison. Découvrez maintenant les avantages uniques du pack Énergie plus Box sur box2x.be. Engie Electrabel. Vivons mieux l'énergie. Moi, j'aime me faire inviter. Ah ça, nous aussi, on adore ça. Un petit. Oh oui. Bah, surtout quand c'est pour déguster un savoureux lapin comme le nôtre. Oh oui, bien d'accord, monsieur Marc. Et avec un plat pareil, moi, je vous le dis, je ne poserai jamais de lapin. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre bon lapin entier découpé est à seulement 6,75€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. La 3, en télé. Pour mieux comprendre les crises qui obstruent notre horizon, le philosophe et économiste Philippe Van Parijs éclaire nos lanternes. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui ne font pas que rêver, mais qui réalisent les choses dont beaucoup disent c'est impossible. Les Sentinelles, la nouvelle émission philosophique, jeudi soir sur la 3. La première. Mobile Info. 16h48, un point sur vos conditions de circulation, bouchon, pas bouchon, et le débouchon, tout ça, c'est Madame Vlouberg, bonjour. Rebonjour, eh bien on va partir du côté du ring de Bruxelles avec un accident tout d'abord en circulation extérieure à Zaventem. La bande de gauche est neutralisée, ça ralentit vers Grand-Bigard, vous perdez là une quinzaine de minutes. Accident toujours sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure cette fois, peu avant les travaux à Oulart, passage difficile des files depuis Zaventem dans lesquels vous perdez près de 3 quarts d'heure en direction de on nous signale également des ralentissements à Bruxelles, comme tous les jours dans le tunnel Boileau vers Mézère, du tunnel Madou au tunnel Léopold II vers Kuckelberg, et encore les travaux qui vous ralentissent. C'est sur le 429 Altournay-Lille, entre Quin et la frontière, 10 km de fil dans lesquels vous perdez une vingtaine de minutes. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça. Hey, Houston, on a un problème ici. Demain, Laurent de Hossey s'intéressera aux grandeurs et au déclin de la civilisation byzantine. Au menu donc d'un jour dans l'histoire, entre 13h30 et 14h30 sur la première. Mais que s'est-il passé un 29 septembre? That's the question. Réponse et surtout question tout de suite. J'épuisais ma mine un 29 septembre, qui suis-je? J'épuisais ma mine un 29 septembre. Il nous a quitté un 29 septembre. J'espère qu'il ne parle pas de ma mine pirote. J'épuisais ma mine. Alors, auquel cas, c'est Guimato. Il y a une référence au niveau du mot mine, une double référence. Et Edgar. C'est quelqu'un qui avait une mauvaise mine. Non. Les mines de charbon. Mine de charbon. Alors, on parle de mine, effectivement, de charbon, mais d'une autre mine. Alors. Pas du dessin. Non, c'est pas du dessin. C'est de l'écriture. C'est de l'écriture. Alors, littérature et mine, charbon. Pensez à qui? Michel Houellebecq. Oui, un des... Alors, Constant Malva. Zola. À qui? À Zola. Pourquoi? Germinal. Germinal, effectivement. Émile Zola qui nous quittait un 29 septembre 1902. Émile Zola qui est retrouvé mort dans sa chambre, asphyxié à l'oxyde de carbone. Il y a déjà des chauffe-eau. Alors. Il n'a pas ouvert la fenêtre en prenant sa douche. Alors, l'enquête a conclu très vite donc, à un accident dû à une cheminée défaillante. Et un demi-siècle plus tard. Cette affaire rebondit lorsqu'émerge le témoignage d'un, ce qu'on appelle un fumiste, un ramoneur donc, qui clame avoir délibérément bouché le conduit et débouché discrètement le lendemain. Donc Émile Zola aurait été assassiné pour des raisons politiques suite à l'affaire Dreyfus, dont l'écrivain avait embrassé la cause, souvenez-vous, dans le fameux J'accuse. Oui. Dans quel journal? L'Aurore, bien joué Edgar Schott, c'est effectivement le titre. J'accuse n'était pas de lui d'ailleurs, c'était de qui ce titre? Vous ne savez pas? Il avait préparé depuis plusieurs semaines un résumé de l'affaire Dreyfus. Et le Figaro, qui avait refusé donc, ses derniers articles afin de conserver donc, son lectorat le plus conservateur, et s'est tourné donc Émile Zola vers l'Aurore. Et il termine la rédaction de son article qu'il avait initialement intitulé Lettre à Monsieur Félix Faure, président de la République. Dans les 48 heures qui suivirent le verdict, bien, le directeur de l'Aurore et Georges Clémenceau, qui était l'éditorialiste de ce journal, lui trouvèrent un autre titre plus ramassé et percutant, J'accuse. Donc le J'accuse, on le doit à Georges Clémenceau et au directeur de l'Aurore, Ernest Vaughan. Voilà. Comme ça, vous savez tout de notre ami. C'était un peu le Suprès de l'époque. C'était un peu le Suprès de l'époque. Mais J'accuse. Entre ici, Jean Moulin. J'adore. Bon, à 16h52, on va se tourner vers l'histoire de Vincent Flibustier, n'est-ce pas Vincent? Vous en avez deux avec pour plaisir. Nous, comme tous les jours, et en ce 29 septembre. Eh bien, les voici, ces histoires. Bonjour, messieurs Vincent. Ah, Émile Zola. Vous savez, j'ai découvert récemment, enfin tout le monde le sait peut-être, mais que le Figaro, à la base, c'est un journal satirique. Pendant 5 ans, dans les début des années 1830, un truc comme ça, c'était un journal satirique et puis qui a été racheté. Et puis, je sais pas pourquoi, bizarrement, ils ont gardé le nom, parce que très vite, c'est devenu un journal conservateur. Mmh. Mais tout au début, c'était un journal satirique, quoi. Donc c'est étrange qu'ils aient gardé le nom en le rachetant. Alors, la seconde histoire maintenant, Vincent Fibussi. Non, en fait, je voulais vous parler, parce que j'ai écouté ce matin, c'était super bien dans Entrer sans frapper. Il y avait Yasmina Kadra pour son livre « Dieu n'habite pas la Havane ». Donc voici deux histoires de l'histoire de Cuba. Nous sommes en 1970, la révolution cubaine est terminée depuis 11 ans. Tout va bien, comme on le sait, la Dolce Vita, tout ça, le fun. Et depuis la révolution, on n'importe plus de voitures américaines, embargo, tout ça. Les seuls propriétaires de voitures américaines, ce sont en fait ceux qui ont acheté leurs voitures avant la révolution. D'où toutes ces vieilles bagnoles américaines qu'on a en tête quand on pense à la Havane. Et il y avait un seul garage à la Havane qui était autorisé à réparer ses voitures et donc à commander des pièces américaines via le Mexique, etc. Et tout roulait pour le garage jusqu'en 1970, donc, quand les autorités s'y sont intéressées de plus près et ont remarqué que le garagiste Humberto Mato magouillait, puisque c'était à son frère déjà au Mexique que les pièces étaient achetées. Et il détournait l'argent cubain comme des malades. Et oui, c'est ça qui est dingue, c'est que du coup, il y a pas qu'ici que le nom Mato, ça pue le détournement. Bah, on vous croit pas du tout là. Humberto Mato, ça. Bref, malheureusement, ça sent. Mato. Non, ça. Et si. Ah bah écoutez, pas, l'histoire de voiture à Cuba avec ce garagiste un peu véreux. C'était un peu facile. Humberto Mato, on n'a pas envie d'y croire. Mais attendez, qui sait, peut-être que c'est effectivement l'histoire vraie du jour. La seconde, Vincent. Du 14 au 28 octobre 1962, c'était. Cuba. À Cuba, c'était La baie des cochons. Non, c'était la crise des missiles. Et on le sait peu, mais elle a démarré à cause d'un détail totalement idiot. Donc on le rappelle, les Américains soupçonnaient les Russes d'avoir débarqué, etc., d'avoir des petits mouvements de troupes. On avait vu passer des navires, mais il n'y avait pas de satellite pour authentifier le truc. Donc on cherchait à avoir des preuves. Cuba est à 200 km de la Floride. Les Américains ont peur. Ils envoient donc des avions espions prendre des photos aériennes. Mais les premiers analystes ne voient rien du tout sur les photos de bise. Bizarre. Rien. Et si un consultant de la CIA remarque qu'il y a un détail qui a changé dans les bases militaires cubaines par rapport aux photos de l'année d'avant, des terrains de football. Et alors, eh ben, comme aux USA, le sport national cubain, c'est le baseball. Personne ne joue au football, donc au soccer, le football comme chez nous, de ce côté de la terre. Par contre, c'est le sport national en Russie. Et donc, c'est à cause du football que les Américains ont eu la certitude de la présence russe. Et on pourra en faire un film, monsieur. On a dans la tête. Si c'est l'histoire vraie, on pourra en faire un film. Mais de l'autre aussi, un Mato. Les Matos sont-ils tous des arnaqueurs? Comme alors, les pédophiles qui roulent en camionnette blanche. Alors, deux histoires. On reste donc aujourd'hui à Cuba avec Vincent Flibustier, Humberto Mato, ou cette histoire de crise de missiles avec ce terrain de football. Raoul Reyers, première ou seconde histoire? Mais je sais que les Cubains réparent leurs vieilles bagnoles américaines avec de tout, des bouts de ficelle, des boîtes à conserve. Donc peut-être qu'effectivement, le garagiste s'est fait piquer. Je vais choisir la voiture. La voiture, pour changer. Ouais, pour changer. Un peu changer. Marie-Paul Kums, première ou seconde histoire? Non, moi je préfère la seconde. La seconde. Je suis déjà en train de rêver au film. Oui. Et vous, Marie-Paul, Catherine. Marie-Catherine. Si, l'impératrice. La première. La deuxième, pardon. Et vous, Edgar? Non, Humberto Mato pour moi. Humberto Mato, roulement de tambour, l'histoire vraie du jour, Vincent Flibussi, première ou seconde? Eh bien, seconde, c'est bien ce qui a déterminé en partie la manière dont les Américains ont su que les Russes étaient là, parce qu'effectivement, il y a eu des terrains de football qui sont dessinés à Cuba, alors qu'il n'y en avait jamais eu avant. Et alors, c'est pas la seule fois dans l'histoire que le sport a trahi les Cubains, puisqu'en 75, il y a eu la guerre civile angolaise, et on y verra s'affronter indirectement les Américains et les Cubains qui soutiennent chacun un camp. Et là, les Américains sauront, grâce à un espion, que les Cubains construisent, vu bon, communiste, tout ça, c'est très précis, les Cubains construisent un terrain de baseball pour un nombre précis de soldats. Et du coup, les Américains ont compté les terrains de baseball et ils ont pu avoir une estimation qui s'est révélée quasiment exacte du nombre de soldats cubains. Mais ces Américains sont fins. Ne faites pas de sport. C'est la règle. Ne faites pas de sport. Et les Russes sont idiots. Allez, nous restons presque sérieux sur la première. On s'informe à 17h et on poursuit cette aventure en ce 29 septembre avec toute l'actualité. A tout de suite. Mais tu l'entends, l'autre, là? Il fait que rigoler! Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750 €, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif, magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Et top! Vous pensiez que le temps ne pouvait pas s'acheter? Détrompez-vous. Vous pourrez enfin rentrer plus tôt chez vous. Pour votre administration sociale, faites confiance aux experts de Groupe S et profitez de plus de temps pour faire ce qu'il vous plaît. Découvrez l'offre multiservice de Groupe S. Rendez-vous sur plusdetemps.be. Groupe S, votre secrétariat social. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalle pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. Elle est pas belle la vie? Chez Bricoplanit, c'est samedi 1er et lundi 3 octobre, moins 20% sur un article au choix. Plus d'infos sur planit.be. Bricoplanit, tout pour la maison. La première, météo. Bonne fin de journée à tous. Après les éclaircies qui se sont faufilées par endroits, le ciel reste couvert sur l'ouest et de la pluie arrive ce soir par le littoral. On retrouvera cette faible zone de pluie demain matin, plutôt au sud du Sillon-Sambre-et-Meuse. Et au fil des heures, les éclaircies reviendront par l'ouest et finalement sur le centre. Même s'il fait moins venteux, il fera quand même plus frais demain, de 13 à 18 degrés pour les maxima. Un temps variable et frais qui va caractériser le week-end avec des périodes d'averses mais aussi des éclaircies, de 13 à 17 degrés pour samedi, 12 à 16 pour dimanche seulement. On reviendra à un temps sec et un rien plus doux dès lundi. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. La première. 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Les syndicats satisfaits. La mobilisation ne faiblit pas pour dénoncer la politique du gouvernement fédéral. Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Bruxelles pour dire non aux mesures d'austérité ou à la fin des 38 heures de travail. Plus d'agents sur le terrain, une meilleure collaboration entre les différents services, plusieurs combattants étrangers ciblés. Le gouvernement fédéral tire un premier bilan positif du plan Canal à Bruxelles. Il est en place depuis 6 mois. Il vise à mieux lutter contre le terrorisme. Un point sur vos conditions de circulation, c'est avec Anne-Michel Vlouberg. Oui Diane, avec les suites de cet accident, toujours sur le ring de Bruxelles, en circulation intérieure, peu avant les travaux à Oullaert, le passage reste difficile. On relève des fils depuis Zaventem, dans lesquels vous perdez maintenant près de 3 quarts d'heure en direction d'Ytre. Et pour commencer ce journal, cet accident de train, il s'est produit dans le New Jersey, en banlieue de New York. Plus de 100 personnes ont été blessées. La majeure partie d'entre elles sont dans un état grave, indiquent les autorités. Le déraillement a fait au moins 3 morts et des voyageurs seraient encore coincés dans les voitures renversées. Bondé à une heure de grande affluence, le train de banlieue a déraillé en pénétrant dans la gare de Hoboken. Une partie du plafond s'est également effondrée. La gare est très fréquentée par les voyageurs qui se rendent à Manhattan. Entre 45 et 70 000 personnes ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Bruxelles. Une manifestation interprofessionnelle en front commun pour dénoncer les mesures économiques et sociales prises par le gouvernement fédéral. Dans le viseur des manifestants aujourd'hui, il y avait en particulier la réforme du temps de travail portée par le ministre de l'Emploi, Chris Peeters. Marc Sirleroy a rencontré des manifestants à l'unisson pour dénoncer, disent-ils, la politique asociale du gouvernement Michel. L'austérité du gouvernement est ciblée pour Patrick, qui travaille dans la construction. On espérait tous que la relance économique ne serait pas par une austérité. Pour relancer l'économie, il faut injecter, il faut créer de l'emploi et donner les moyens aux gens de pouvoir faire tourner. Et ici, on fait le contraire. On est en train de nous appauvrir. Vous imaginez que les travailleurs, avec les salaires qu'ils ont, ils n'arrivent plus à finir leur mois. Jean-Luc est chauffeur routier et lui, il est inquiet du prochain budget du gouvernement fédéral avec un trou à combler de 4,2 milliards d'euros. Le gouvernement a l'air à une ligne de conduite et guère sa ligne de conduite. Quand on voit encore le trou dans le budget qu'ils ont, c'est qu'il y a encore des questions qui se posent aussi. Mais tout ce budget nous fait peur à nous autres. Hein. Où est-ce qu'on va aller chercher cet argent-là, encore une fois? C'est chez nous, hein, c'est pas ailleurs. Hein. Et tous se disent préoccupés pour l'avenir. Le gouvernement, rajoute-t-il, ne les écoute pas. Jean est employé. Et il s'interroge beaucoup sur la suite des événements. Vous savez, ce matin, on prenait le train, on voyait tous ces étudiants qui allaient travailler, on discutait un peu avec eux, on se rend compte que eux, leur avenir, il est même bouché. Ils sont peut-être un peu naïfs, mais eux-mêmes le disent. On ne sait pas quelles études faire, on ne voit rien venir, et il n'y a rien de positif pour nous. Alors, si nous, on ne se bat pas pour nous, bah, au moins, on doit le faire pour eux. En tout cas, pour les responsables syndicaux, la mobilisation est réussie, alors qu'ils craignaient un phénomène de lassitude chez leurs affiliés. Et interpellé à la Chambre cet après-midi, le Premier ministre a réagi. Pour lui, la politique du gouvernement porte ses fruits. 76 000 emplois ont été créés. Charles Michel dit malgré tout comprendre les inquiétudes et les préoccupations exprimées par les travailleurs. Yann Niambon, le ministre fédéral de l'Intérieur, a lancé la phase 2 du plan Canal. Il ne s'appliquait jusqu'à présent qu'à Molenbeek et Vilvoorde. Il va être étendu à 6 autres communes bruxelloises. Ce plan, lancé il y a un peu plus de 6 mois, vise à mieux lutter contre le terrorisme. Et d'après un premier bilan, Geoffroy Fabré, le plan semble porter ses fruits. Les autorités policières et judiciaires ont présenté un bilan positif de 6 mois d'activité. Le plan Canal a notamment permis de cibler 57 combattants terroristes étrangers à Molenbeek qui font désormais l'objet de mesures judiciaires. Yann Niambon, ministre de l'Intérieur. On suit les foreign fighters beaucoup plus proches qu'avant. On fait des enquêtes sur les ASBL et là on a retrouvé des ASBL qui font vraiment des choses qu'on ne veut pas. Donc là il y a aussi une collaboration avec la justice pour les démanteler. Et donc je pense que les résultats sur le terrain c'est favorisant. Outre l'augmentation du nombre d'agents sur le terrain, le plan Canal a aussi permis une meilleure collaboration des services. Johan de Becker est le chef de la zone de police qui couvre Molenbeek. La collaboration avec l'administration communale, la collaboration avec le parquet, avec les juges d'instruction, elle est vraiment très très bonne. Toute l'expérience qu'on a acquise sur ces 6 mois peut être partagée maintenant avec les autres zones du plan Canal. C'est une bonne chose. Il faudra que tout le monde soit convaincu de l'utilité du plan. On travaille vraiment dans la bonne direction. 66 policiers vont désormais venir renforcer les autres zones concernées par le plan Canal. Pour les syndicats, tout n'est pourtant pas si rose, car en renforçant les zones bruxelloises, on déforce inévitablement d'autres zones du pays. Le Centre Pompidou sera le partenaire du futur pôle culturel d'art contemporain de Bruxelles. La région bruxelloise et Beaubourg s'associent pour transformer l'ancien garage Citroën à Isère, près du canal. Le Centre Pompidou mettra à disposition une partie de sa collection. Elle rassemble quelques 120 000 œuvres pour donner une âme au complexe. Un concours d'architecture sera lancé d'ici la fin de l'année. Le pôle culturel d'art contemporain devrait voir le jour aux alentours de 2019-2020 et attirer entre 500 000 et 1 million de visiteurs par an. Au moment de voter, les aveugles et malvoyants sont souvent en situation délicate. Soit ils renoncent, soit ils se font accompagner dans l'isoloir. Une situation en porte-à-faux avec la loi qui stipule que le vote est secret. Alors une députée wallonne propose de changer les choses. Elle s'inspire, Karl Defoy, de différentes initiatives européennes. Voter en étant accompagné est parfois ressenti comme humiliant, dit la CDH Clotilde Léal-Lopez. Mais c'est aussi risqué d'être influencé par la présence d'un tiers. Dans différents pays européens, le vote des malvoyants est pourtant organisé autrement. Pour augmenter leur autonomie et garantir le secret de leur vote chez nous aussi, la députée propose de s'inspirer des dispositions allemandes qui utilisent le braille. C'est une matrice, mais qui est en fait un pochoir qui vient s'apposer sur le bulletin. Sur la gauche, vous avez alors le nom des candidats en braille et vous pouvez apposer votre choix du côté droit. En Wallonie, 6000 électeurs sont aveugles ou malvoyants. Une part d'entre eux pratiquent le braille et ce serait, pour un coût modique, l'occasion de faire progresser leur cause. Avec son partenaire de majorité, la députée a donc déposé une proposition de décret pour lancer une expérience pilote lors des prochaines élections locales et provinciales dans 16 communes de Wallonie. Pour les élections à d'autres niveaux de pouvoir, elle suggère d'interpeller le fédéral afin qu'il étende le dispositif. Aux États-Unis, les familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001 vont pouvoir attaquer en justice l'Arabie Saoudite. C'est l'issue d'un long bras de fer entre ces familles, le Congrès et l'administration Obama. La nuit dernière, le Congrès américain a rejeté à la majorité des deux tiers le veto opposé par Barack Obama à une loi qui autorisait ces poursuites. Alors Daniel Fontaine, que veulent exactement les familles des victimes? Les familles de victimes réclamaient cette loi depuis 15 ans. La législation américaine accorde une immunité juridique aux États étrangers. La nouvelle loi établit une exception en cas d'attentat sur le sol américain, comme ce fut le cas le 11 septembre 2001. L'Arabie Saoudite est soupçonnée depuis longtemps d'avoir accordé un soutien aux pirates de l'air qui ont envoyé des appareils sur les tours jumelles et le Pentagone. 15 des 19 pirates étaient saoudiens. Selon Zacharias Moussaoui, le 20e homme condamné en lien avec ces attentats, des membres de la famille royale saoudienne ont versé des millions de dollars à Al-Qaïda dans les années 90. Les soupçons ont aussi été alimentés par un passage longtemps resté secret du rapport officiel sur les attentats. Le Congrès l'a rendu public en juillet. On y apprend que les éventuels liens entre les auteurs des attaques et les autorités saoudiennes n'ont en fait pas pu être confirmés de sources indépendantes. Les familles des victimes veulent néanmoins que la justice reprenne l'enquête. Si des preuves étaient trouvées, elles réclament des dommages et intérêts. Riyad, de son côté, rejette vigoureusement ces suspicions. Il y a du football ce soir en Europa League. 4 clubs belges, 2 à domicile. La Gantoise face aux Turcs de Konyaspor et Genk contre les Italiens de Sassuolo. Le Standard se déplace à l'Ajax Amsterdam. Ce sera à 19h et à 21h. Deux couleurs s'affrontent, les mauves contre les verts. Anderlecht se rend à Saint-Etienne. Tout juste à 17h09. Belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Et sur la première, on a le plaisir de retrouver Walid et tous ses chroniqueurs. Nous sommes presque sérieux. Merci Diane. Retour dans l'information dans un peu moins de 21 minutes. 17h30, l'heure à laquelle vous retrouverez Soir Première et Arnaud Reussen. La Première. 16h-17h30, c'est presque sérieux. Avec Walid. Presque la fin de la semaine, jeudi 29 septembre. Ravi une fois de plus de vous accompagner en cette fin d'après-midi. Où vous soyez en Belgique, merci d'être presque sérieux. Et au-delà de la Belgique, vous nous écoutez également en streaming sur le site de La Première, lapremière.be. Nous relatons l'actualité de ce 29 septembre avec du recul, avec une distance. Et quelle distance, celle du rire. Et rire, ça fait du bien, comme dirait l'autre. N'est-ce pas, Gershot? Et rire, ça fait du bien. Voilà, et rire, c'est bon pour la santé. Et avec vous, Edgar, on s'intéressera à quoi aujourd'hui? Eh bien, la possibilité de poursuivre l'Arabie Saoudite pour les victimes du 11 septembre. Et on en parlera donc d'ici à 17h30 et il vous accompagne également jusqu'à Soir Première. C'est Catherine Ronvaux, bonjour. Bonjour Walid. Il y a, eh bien, vous savez quoi? Elle est coiffée, elle est la même coiffeur que Fellaini. Que veut dire? Qui est ce Fellaini? Ses boucles sont magnifiques. Elle a la même syntaxe que Fellaini. Ses boucles sont magnifiques. Elle est magnifique. Je suis fan. Je suis fan. Marie-Paul Kums. Marie-Paul Kums est avec nous. Il y a Vincent Flibussier qui, lui, n'est pas coiffé, en fait. Non, c'est ça, rasé. Voilà. Cathy l'a coiffé. Et Raoul Reyers aussi, qui, lui, nous décoiffe à chaque une de ses sorties. Oh, écoutez, vous êtes trop bon. Mais je vous en prie, ça fera 5 euros. Presque plus de cheveux. Tiens, on s'intéresse à l'actualité de ce 29 septembre avec une presque star d'ici quelques minutes et une actualité où on parle de la NVA tout de suite. C'est presque sérieux. Sur La Première. Eh oui, la NVA, on l'apprend dans la presse aujourd'hui, qui plaide pour le bracelet électronique dès 14 ans. La justice de la jeunesse étant donc une compétence régionale depuis cette 6e réforme de l'État. Et donc la NVA vient de faire découvrir l'une des propositions phares par lesquelles le Parti Nationaliste veut réformer la justice de la jeunesse. Donc proposer au juge flamand de la jeunesse la possibilité de placer sous bracelet électronique les mineurs de plus de 14 ans condamnés. La NVA précise toutefois, et je cite, « Nous ne voulons pas avoir recours court à cette mesure que dans des circonstances en tout cas exceptionnelles. Nous devons faire attention à ce que cela ne devienne pas un trophée pour les jeunes. Le but, soulager le travail de la police qui, pour l'instant, doit patrouiller, surveiller, être sur le qui-vive. Rechercher. En tout cas, effectuer la transition vers un système où le délinquant est placé devant ses responsabilités et où la victime est centrale. C'est une proposition de loi donc, que la NVA fait dans la presse du jour aujourd'hui. C'est ce que nous apprenons. Comment pourriez-vous retitrer cette information, Catherine Ronvaux? Je n'ai pas de mots, moi. C'est pas mal. Voilà. Je n'ai pas de mots. C'est l'article, un article sans rien. Vous mettez l'article, je n'ai pas de mots, et c'est un article qui est vide. Faites voilà. Cliquez ici, et puis hop. C'est une promesse tenue. Voilà. Voilà. Moi, je pensais aussi à dur d'être interpellé. Dur d'être interpellé. Ah, c'est pas mal. Dur d'être interpellé. Edgar Schott, c'est l'ANVA qui plaide pour le bracelet électronique dès 14 ans. Si à 14 ans, t'as pas de bracelet électronique, t'as raté ta vie. Marie-Paul Kums. Tendance opposée. Le bracelet électronique dès 14 ans, on cherche les psys au sein de la NVA. Ah, et ben, écoutez, ils sont écoutez, pour le moment tous... Ils sont partis depuis longtemps. Non, ils sont tous au procès Westphal pour le moment. donc voilà. On va demander à Raoul Reyers, comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information, cette proposition de loi de la NVA qui plaide donc pour le bracelet électronique dès 14 ans? La NVA, toujours une connerie par jour. Longueur d'avance. Oui, c'est ça. Et enfin, Vincent Flibustier. C'est un titre de l'ADH. Honteux, les réfugiés qui ont déjà un iPhone auront maintenant une Apple Watch. Scandaleux. Ouais, merci Vincent Flibustier. Photo, vidéo. Preuve à l'appui. Allez, sans plus attendre, et je vous invite d'ailleurs à le faire et à retitrer cette information sur la page Facebook de l'émission, la NVA qui plaide donc pour le bracelet électronique dès 14 ans. Et dans la presse également, on parle d'une presque star. De qui s'agit-il? Réponse tout de suite. Et il s'appelle Jonathan. Jonathan est avec nous. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Vous allez bien ? Très, très bien. Alors, on s'intéresse à vous et on va découvrir la raison pour laquelle la presse parle de vous d'ici quelques minutes. Le temps pour nos chroniqueurs, et ils auront bien entendu quelques minutes pour le découvrir, 1 minute 30 précisément, dire la raison pour laquelle on parle de Jonathan dans la presse. Je ne réponds à vos questions, chers amis, que par oui ou par non, c'est parti. Est-ce que Jonathan a racheté une Porsche ? Jonathan, non, sinon on l'aurait entendu. Est-ce qu'il travaillait chez Caterpillar ? Travaillait chez Caterpillar, non. Est-ce que Jonathan chante avec David ? David et Jonathan, non, c'est pas ça. Est-ce qu'il travaillait chez Doug Bear ? J'ai travaillé chez Doug Bear, non. Travaillé chez Ninja, chez AXA. Non. Est-ce qu'il a manifesté aujourd'hui? Est-ce qu'il a manifesté on pourrait lui poser la question, mais je ne pense pas. Non. Est-ce qu'il est au chômage? Il est au chômage. Alors, il est artiste, c'est ça? Non, il est. Non, intermittent. Ce n'est pas un artiste, mais on peut considérer ce qu'il a fait comme une forme d'art, de buzz. Il a fait les tags sur le... Ah, c'est lui, le fameux Zizi de Saint-Gilles. Ou les tags sur la façade de la... Eh bien non. Non, ce n'est pas ça. Voici un indice, écoutez. Je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Alors, cet indice, ce premier indice. C'est de la joie. Acteur. Alors, ce n'est pas un acteur, mais je vais bien. C'est un indice. Coué 2.0. Non. Deuxième indice, écoutez. C'est le gars qui écrit les discours pour Charles Michel. Il dit, tout va bien. Non, c'est pas ça. Non. Il est DJ dans les boîtes de nuit. Alors, tout va bien en anglais. Comment on dit je vais bien en anglais? I'm fine. Ok, est-ce que vous avez lu l'info concernant quelqu'un qui dit I'm fine? I'm fine. Et juste avant, il y a un autre mot. C'est I'm fine. Ah. Ok, I'm fine. Non, pas ok, I'm fine. Un autre mot. Je ne retrouve rien. Mr. Trump, I'm fine. Je vois un titre d'Hillary Clinton a dit I'm feeling fine, mais c'est pas Hillary Clinton. Non, fuck you, pas. I'm fine. Non, c'est pas ça. Non, un truc en anglais, j'ai dit. Alors, comment dit maman en anglais? Mom, I'm fine. Est-ce que vous avez lu une application qui permet de dire à sa maman qu'on va bien? Non, c'est encore plus loin. Jonathan est un garçon qui est parti faire le tour du monde. Non. Sa maman. C'est perdu. Oh, Jonathan est parti faire le tour du monde et il a rassuré sa mère sur Instagram avec cette fameuse pancarte Mom, I'm fine. Vous avez certainement vu ces photos. Jonathan, vous êtes un jeune Bruxellois de 27 ans et vous êtes parti donc faire le tour du monde. Mais votre maman était un peu anxieuse, n'est-ce pas? On a peur de Jonathan. Où êtes-vous? Maman, si vous prenez une douche, ouvrez la fenêtre. Alors, nous on vous entend très bien, Jonathan. Alors, le moyen que vous avez trouvé pour rassurer votre maman, c'est donc un compte Instagram intitulé Mom, I'm fine, maman, je vais bien. Exactement. Voilà, c'est ça. Ah ben bah, voilà. Ah bah c'est chaud. Voilà. C'était ça la question, oui, alors, c'était la manière dont j'ai trouvé de rassurer ma mère. Alors, ça a démarré comment? C'est-à-dire qu'en partant, votre maman vous a dit donnez-moi donne-moi tes nouvelles, appelle-moi tous les jours. Le problème, c'est que ça coûte cher quand on fait le tour du monde d'appeler sa maman. Et vous avez trouvé un moyen donc assez original. Est-ce que votre mère, du coup, était connectée sur les réseaux sociaux? Est-ce que votre maman a Instagram? Elle ne comprend pas l'anglais. En fait, ça n'a pas vraiment commencé de cette manière-là. C'est-à-dire que le premier pays que j'ai fait, c'était Cuba. Et donc, à Cuba, c'était assez compliqué pour avoir Internet, parce que voilà, le Parti communiste bloque un petit peu tous les accès. Et puis, pour appeler ma mère, c'était super cher. Donc, je me suis dit, bah voilà, la manière la plus simple, c'est que je publie une photo, et une photo vaut plus que 1000 mots. Donc, tout simplement, avec une pancarte qui disait, maman, je veux bien, et dans différentes situations. Alors, il y a effectivement pas mal de situations. On vous voit avec des gens en cagoule, avec la tête en l'air. C'est qui? Ça, c'est l'armée colombienne. Donc, j'étais avec l'armée colombienne. Donc j'ai fait plusieurs photos, il y en a eu avec des crocodiles en sautant d'un avion, etc. etc. Mais le but c'était toujours de Le but c'était toujours de faire quelque chose soit qui fasse rire, soit c'est un petit peu peur, mais voilà, sans faire de politique ou quoi que ce soit. Donc par exemple, pas à côté de Trump, mais il y a certaines personnalités aussi, donc voilà. Oui, bah, toujours avec ce fameux panneau « Mom, I'm fine ». À 27 ans, vous avez donc fait un petit séjour à Cuba, au Mexique, au Costa Rica, au Panama, en Colombie ou encore au Pérou, et vous en êtes donné à cœur joie. Vous êtes pris donc ainsi en photo dans pas mal de paysages paradisiaques, avec une belle photo là, vous êtes entouré de 5 ravissantes demoiselles. On s'embête pas. C'était la plus facile à faire. Vous m'étonnez, la plus facile à faire. Alors, un voyage qui vous a incité également à poursuivre cette aventure, mais de manière plus sociale. Vous avez décidé de faire quelque chose au Maroc maintenant, c'est bien ça? Oui, en fait, voilà, je voulais remercier tout d'abord la CTB, l'Agence Belge de Développement, qui m'accorde sa confiance. Parce qu'en fait, voilà, la semaine prochaine, je pars au Maroc, et pour c'est pas vraiment de l'humanitaire, c'est du développement, donc c'est plus long terme. Mmh. En fait, l'idée est simple, c'est de sensibiliser les gens sur différentes missions, et par exemple, dans ce cas-ci, de sensibiliser les gens à la désertification dans ce pays-là, et donc, par exemple, faire des photos dans le désert, mais en montrant, par exemple, que les producteurs de dattes et de safran en souffrent, et montrer comment est-ce que l'Agence Belge fait pour financer, voilà, lutter contre ce problème en tout cas. Alors ça se développe énormément maintenant sur Instagram, les reporters photos, c'est un effet de mode. Est-ce que vous êtes rémunéré pour ça? Est-ce qu'on fait appel à vous? Est-ce que les agences de pub vous disent, tiens, Jonathan, on voudrait vous avoir, puisque vous avez sur votre compte Instagram pas moins de 175 000 abonnés, c'est pas rien. Ce sont donc aujourd'hui une nouvelle manière de communiquer, les réseaux sociaux sur Instagram. Est-ce qu'on fait appel à vous pour ce genre de choses? Oui, en fait, si, au départ, ça commençait par très petit, c'est-à-dire qu'on m'envoyait par exemple des vêtements et on me proposait de la rémunération pour porter le vêtement lorsque je faisais une photo. Mmh. Et puis après ça, ça a évolué un petit peu plus. Donc là, par exemple, j'ai eu certaines boîtes internationales parce que voilà, vous doutez que j'ai fait ça pour que tout le monde comprenne, parce que ma mère, je parle en espagnol avec ma mère, elle est d'origine mexicaine. Mmh. Et donc là je l'avais fait, donc j'ai eu certaines boîtes comme Sachi, Publicis, etc. qui sont internationales, qui m'ont proposé certains contrats. Mmh. Mais j'avoue que là je prends un petit peu mon temps, parce que je me dis voilà, j'ai envie de faire quelque chose qui correspond à la philosophie, et j'ai pas envie de faire ni de politique, ni de religion, ni pour les cigarettes ou des choses comme ça, donc ouais. Ça casserait un petit peu tout son sens. Bon, en tout cas, on mettra toutes les informations vous concernant et la suite de vos aventures, notamment au Maroc avec cette association, sur votre compte Instagram, que je rappelle, instagram.com/mom-i'm-fine. Jonathan Quiñones, j'espère que je prononce bien Quiñones. En fait, c'est Cuban, Quiñones, il y en a deux, mais c'est trop long. Donc, Quiñones. En tout cas, merci. Je voulais juste vous dire, lorsque je suis en Belgique, je vous écoute assez régulièrement. J'adore votre émission, donc merci beaucoup pour l'invitation. Ah, ça fait plaisir, Jonathan. Dernière chose, je voulais remercier aussi quelqu'un que je n'ai pas fait, c'était difficile à faire. Donc, je remercie Raphaël pour tout ce qu'il fait pour moi. Donc, c'est dernier. Ah, on embrasse Raphaël. Et vous savez ce qu'on va vous inviter à faire? Bon, on n'a pas beaucoup de budget, mais si vous pouvez faire des photos avec, c'est presque sérieux un peu partout. Vous allez. Peut-être que vous avez raison. Ça pourrait être génial. Envoyez-moi Raoul alors. Envoyez-moi Raoul. Il va se faire plaisir de Raoul chez les phares. Je t'ai attendu, Manon. En tout cas, merci Jonathan. On se tient au jus, comme on dit chez les jeunes. Et on mettra toutes les informations vous concernant sur la page Facebook de l'émission et sur le site de la première, lapremière.be. On continue justement à s'intéresser à l'actualité de ce jour avec ce qui se passe aux États-Unis, puisque les victimes des attentats du 11 septembre vont pouvoir se retourner contre l'Arabie Saoudite. Eh bien, on en parle sans plus attendre avec Edgar Schotz. Ils ont le pétrole pour 30 ans. On a du vin blanc

à défaut d'être très charitables, c'est relativement logique, j'ai bien dit relativement, parce que le jour où elles passeront au bracelet électronique avec toutes ses mains coupées, les autorités carcérales saoudiennes risquent quand même d'avoir quelques mauvaises surprises. Genre, Mahmoud, qu'est-ce qui est arrivé avec le bracelet électronique ? Il l'a glissé, chef. Sans compter qu'en cas de récidive, c'est toujours un peu gênant. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je n'en suis pas à mon premier procès. Je vois. Allez, c'est bon pour une fois. Levez la main gauche et dites « je le jure ». Ah, celle-là aussi. Vous n'êtes quand même pas très coopératif, vous. Hein. Bon, exceptionnellement, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, mettez-vous à cloche-pied et dites « je le jure ». Sur la tête décapitée de ma mère, je le jure. Donc, pour un voleur, et malgré quelques éventuelles complications logistiques, c'est assez facile. Mais un pilote kamikaze, on lui réserve quoi comme châtiment ? On l'oblige à régler la question des vols de nuit au-dessus de Bruxelles ? On l'engage de force à la Malaysian Airlines ? Bon, j'ai bien une idée de sévice encore un peu plus cruelle, mais je doute que même les autorités judiciaires saoudiennes soient suffisamment inhumaines pour pouvoir infliger ça à qui que ce soit, même à un terroriste. Ce serait de faire écouter au coupable, en boucle, et jusqu'à la fin des temps, Boeing, Boeing, de feu Chatterton. Et les auditeurs réguliers de la première savent bien à quel point ça peut être insupportable, même quand on ne l'entend que 7 ou 8 fois par jour. Mais il y a au moins une bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'avec le nombre de procès que cette loi va permettre en Arabie Saoudite, Jean Quatremer n'est plus qu'à 200 mètres de devenir chroniqueur judiciaire. Et ça tombe bien parce que ça fait quand même quelques années qu'il était à milieu d'être journaliste. Merci Edgar Schott, une chronique à retrouver sur le site de la première, au même titre que cette émission, rtbf.be/ovio. Merci Raoul Reyers. Merci Vincent Flemussier, merci Marie-Paul Kunz, merci Catherine Ronvaux, merci Edgar, merci et merci Chou. À vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 16h pour un nouveau numéro de C'est presque sérieux, histoire de boucler la semaine de cette actualité. Oh, que prenante, mais qui nous fait sourire, nous, oui, parce que nous y prenons du plaisir à la triturer, nous en amuser et prenez du plaisir également à être des nôtres demain dès 16h. Rendez-vous avec Arnaud Roysen tout de suite, soir première. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 20h, Le Monde est un village. Session acoustique spéciale dans Le Monde est un village avec des artistes qui sont passés par le studio au Womex 2015 avec Aziza Brahim par exemple, avec le Bouddha Folk Band, avec Sheikh Lo, avec Chouk Boualibété. Écoutez Le Monde est un village ce soir et vous aurez de l'acoustique plein les oreilles. À tout à l'heure. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La première présente la foire du verre de l'Âne. Artisans, antiquaires, collectionneurs, découvrez le monde de l'art du verre, du bijou et du cristal, ainsi qu'une initiation au métier du verre. Plus de 70 exposants, des dizaines de milliers de pièces. Dénichez celles qui vous manquent. Les samedis 1er et dimanche 2 octobre au centre sportif de l'Âne. Info foireduverre.eu. Elle est pas belle la vie ? Chez Bricoplanet, c'est samedi 1er et lundi 3 octobre, moins 20% sur un article au choix. Plus d'infos sur planet.be. Bricoplanet, tout pour la maison. Comment bien manger quand... On veut un tout petit peu d'originalité. Alors rien de tel que du cabillaud. Du cabillaud ? Mais il n'y a rien de plus classique. Pas forcément. Si vous le préparez enroulé dans du prochain...